Le parcours d'une entreprise est une aventure. Parfois, tous les problèmes semblent vous tomber dessus en même temps. Pour surmonter ces difficultés, vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés qui vous guide, comme les conseillers Dell Technologies. Ils vous donnent tous les conseils pour vous aider à relever les défis auxquels vous êtes confrontés et arriver là où vous voulez aller en toute sécurité. Ah, contactez un conseiller Dell maintenant au 0801 800 001. Dell Technologies recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. C'est depuis quelques années devenu un topos que de dire que le milieu spatial est en pleine métamorphose. Arrivée d'acteurs privés qui prennent très vite beaucoup de place, diminution des coûts, réutilisation, miniaturisation, baisse drastique du coût de l'accès à l'espace. C'est un grand chambardement qui laisse les agences spatiales nationales sur le carreau, en train de contempler une révolution qu'elles n'ont pas initiée. C'est dans ce contexte bouleversé qu'a été nommé le nouveau président de l'agence spatiale française, le CNES Philippe Baptiste, ingénieur informaticien, conseiller politique et peu aguerri aux choses de l'espace, il vient d'être nommé par le président de la République. Philippe Baptiste, le nouveau président du CNES, est notre invité spécial pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Philippe Baptiste. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation pour cette heure d'entretien. Beaucoup de sujets à traiter comme vous venez de l'entendre. Mais avant de vous retrouver, eh bien on commence comme chaque jour, on ne déroge pas à la règle, par le Journal des Sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec cette étude parue dans la revue Nature Medicine qui décrit un nouvel outil pour prédire avec énormément de précision la maladie d'Alzheimer 4 ans avant son développement. Jusqu'à présent, on sait bien diagnostiquer cette pathologie, mais par imagerie cérébrale et par ponction lombaire pour analyser le liquide céphalo-rachidien. Ce sont des méthodes invasives, coûteuses et qui ne sont pas disponibles partout. Une équipe suédoise a utilisé deux grandes bases de données. La base suédoise Biofinder de 340 personnes sur les troubles neurodégénératifs et une autre américaine de 500 personnes. Les chercheurs ont regardé quel biomarqueur de cette maladie et leur combinaison pouvait être prédictif. Ils ont développé un algorithme capable de prédire avec plus de 90% de certitude le développement de la maladie d'Alzheimer 4 ans après les prélèvements. Alors l'algorithme combine les données d'un seul test sanguin et les résultats de 3 tests de mémoire. En d'autres mots, voilà un outil simple, accessible partout, peu cher, et qui pourrait s'avérer très utile. Laure Véré est maître de conférence en neurosciences à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Elle est impliquée dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Parmi les marqueurs qu'ils ont regardés, qu'ils ont combinés, donc ils ont regardé différentes combinaisons de marqueurs, ils ont trouvé, et ça c'est vraiment le résultat important de l'étude, qu'il suffisait, entre guillemets, de mesurer une protéine qui est présente dans le sang, qui est la forme phosphorylée d'une protéine tau, forme particulière de cette protéine, qu'on sait être prédictive, en tout cas au niveau cérébral, de la maladie d'Alzheimer. Et on la retrouve aussi, du coup, dans le sang de ces sujets-là, des années avant l'apparition de la maladie. On combine ce niveau de cette protéine qu'on peut retrouver tout simplement dans une prise de sang avec deux examens très rapides neuropsychiatriques, on va dire, donc pour évaluer les problèmes de mémoire et les problèmes de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Et puis aussi, quelque chose qui on sait être important, on va regarder sur la base de la génétique des sujets s'ils sont porteurs d'un gène qui s'appelle ApoE, dont on sait qu'une des formes est très prédictive de la maladie d'Alzheimer. On va dire que c'est une prédisposition, comme on pourrait avoir une prédisposition pour, familiale pour certains cancers. Et ce qui est super dans cette étude, c'est qu'ils ont pu montrer que sur la base de ces 4 simples mesures, ils peuvent prédire à peu près à 90-95% l'apparition de la maladie d'Alzheimer dans les années qui viennent, dans les 4 à 6 ans qui suivent. Une des raisons pour lesquelles c'est extrêmement important d'avoir ça, c'est que ça permettra d'avoir des cohortes en fait pour des essais cliniques, pour des futurs traitements qui seront beaucoup plus efficaces. Parce qu'imaginez-vous bien, si on peut prédire à 95% sur une population de personnes qu'ils auront la maladie d'Alzheimer dans les années qui viennent. Mais dans ces cas-là, on va pouvoir de manière beaucoup plus efficace faire des essais cliniques, puisqu'on saura quasiment avec certitude que sur la base de ces marqueurs-là, ces gens auraient eu la maladie d'Alzheimer s'ils n'avaient pas reçu le traitement qu'on est en train de tester. Donc ça, ça va être un outil essentiellement pour les essais cliniques, en fait, qui est extrêmement important pour arriver à enfin identifier un traitement qui pourrait être efficace. Et le lien, comme chaque jour, de l'étude, il est sur notre fil Twitter, @laméthodefc, ainsi que le lien vers l'émission que nous avions consacrée à la maladie d'Alzheimer avec cette question centrale du diagnostic précoce. Tout ça, comme chaque jour, sur le compte @laméthodefc et sur le site de l'émission franceculture.fr. Et on passe au bref. Une étude parue dans la revue Nature Communications a déterminé l'âge limite de l'existence humaine. Si nous ne mourons pas d'un cancer, d'un AVC, d'un arrêt cardiaque ou écrasés par un bus, quelle serait la limite physiologique du corps humain ? À partir de tests sanguins sur une très grande cohorte, des chercheurs de Singapour ont mis au point un indicateur, le DOCI, l'indicateur d'état dynamique de l'organisme. Ils ont observé le nombre de globules blancs, de globules rouges, de plaquettes dans le sang d'un patient, et ils ont suivi ces niveaux sur une trajectoire de vieillissement. Selon ce papier, même si nous mettions au point des thérapies pour lutter contre toutes les maladies, le plafond de la longévité, c'est la perte de résilience de notre organisme. Ce déclin progressif fixe la durée de vie maximale des êtres humains entre 120 et 150 ans. Ça reste une petite marge quand même. Selon une étude parue dans la revue Cell, en bref, Natacha toujours, les villes aussi possèdent un microbiome qui leur est propre. Une équipe internationale vient de réaliser la plus grande étude métagénomique mondiale sur les microbiomes urbains. Depuis 2015, les chercheurs ont échantillonné et séquencé les génomes des bactéries et des virus prélevés dans les métros et dans les hôpitaux de 60 villes. Cet atlas mondial montre que des villes comme Tokyo ou Londres portent leur propre signature microbienne. Cela signifie que votre semelle de chaussure peut indiquer avec précision la ville d'où vous venez. Plus la ville est grande, plus l'écosystème microbien est complexe. Les chercheurs ont ainsi découvert près de 11 000 nouveaux virus et 700 nouvelles bactéries, jamais référencées auparavant. Prochaine étape de cette cartographie, l'échantillonnage des eaux usées. Et pour finir, une étude parue dans la revue Behavioral Ecology and Sociobiology, certains primates adaptent leur accent à d'autres espèces de singes. Des chercheurs brésiliens ont analysé sur 15 sites de la jungle amazonienne les cris de deux espèces de primates, les tamarins aux mains rousses et les tamarins bicolores. Ils ont découvert que les tamarins aux mains rousses adaptent leurs cris lorsqu'ils arrivent sur les territoires de leurs confrères. Lorsqu'ils cohabitent, leurs cris ressemblent à ceux des tamarins bicolores. Les analyses par spectrogramme montrent que leurs sifflements sont légèrement plus purs. Selon les chercheurs, ce changement d'accent serait là pour alerter l'autre espèce de leur présence afin d'éviter les conflits. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le journal des sciences de la semaine. C'est donc en cette année anniversaire, au cours de laquelle le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, va célébrer ses 60 ans le 19 décembre prochain, que le président de la République a choisi de nommer un nouveau président pour succéder à Jean-Yves Le Gall, qui aura effectué deux mandats. Philippe Baptiste, ici présent, docteur en informatique, ex-chargé de cours à l'École Polytechnique et ex-directeur de cabinet de l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal. Nous allons revenir, bien sûr, votre parcours. Philippe Baptiste, jusqu'à présent assez éloigné du spatial, mais c'est aussi un regard neuf que l'on attend de vous et discuter des orientations que vous souhaitez donner au CNES au cours de votre mandat et dans le contexte de mutations que connaît le secteur spatial ces dernières années. Mais pour commencer, nous voulions vous faire entendre la voix de l'un des fondateurs du CNES. 6 ans après sa création, nous sommes en 1967 et c'est Jean-Pierre Causse. Jean-Pierre Causse, qu'est-ce que le CNES ? C-N-E-S, CNES. Quels sont ses buts ? Quelles sont ses méthodes ? Et quelles sont ses réalisations? Le CNES, c'est le Centre National d'Études Spatiales, c'est-à-dire l'organisme national du gouvernement français chargé du programme spatial français. Plus particulièrement, c'était il y a près de 5 ans que le gouvernement a trouvé nécessaire de créer une nouvelle agence, un nouvel organisme chargé de susciter et de diriger les programmes spatiaux qui jusque-là avaient intéressé certains scientifiques et certains utilisateurs de l'espace, mais qui, vers 1962, avaient besoin d'être regroupés pour devenir un véritable programme. Ce programme devenait d'ailleurs possible à cette époque par la décision du gouvernement de faire une force de dissuasion fondée sur des missiles balistiques d'une puissance suffisante pour qu'ils puissent évoluer vers un lanceur de satellites. C'est-à-dire, c'est de l'idée que la France pouvait lancer à son tour ses propres satellites qu'est née la création du Centre national d'études spatiales. Voilà, Jean-Pierre Causse, donc, en 1967, une réaction à cette archive, Philippe Baptiste. C'est à la fois émouvant et puis c'est aussi une très grande fierté d'entendre ce témoignage et de voir le chemin parcouru par le CNES, mais au-delà simplement du CNES, par l'ensemble des acteurs du spatial en France et en Europe. Le CNES a structuré très profondément le paysage français et européen. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur le continent qui pourraient dire qu'ils n'ont pas, à un moment ou un autre, hérité directement ou indirectement du CNES. Aussi bien des acteurs scientifiques, bien entendu, mais aussi des acteurs industriels. Et je pense en particulier à des positions qui sont des positions très brillantes qu'on a aujourd'hui sur la scène internationale, dans le monde de l'industrie. Et beaucoup de ces programmes, je pense par exemple dans le secteur des télécoms, la France pèse 60% du... satellites de télécommunication. La France pèse 60% du marché international. Dans les sciences de l'observation, aujourd'hui, la France excelle et très reconnu. Enfin, il y a la filière image avec Spot qui a donné lieu à toute l'industrie qu'il y a derrière. Enfin, le nombre de succès industriels, économiques et scientifiques qui sont liés au CNES sont évidemment très nombreux. Il y a une sorte d'exception culturelle française effectivement dans l'espace, parce que bon, il y a évidemment la NASA, la JAXA, Roscosmos qui sont des grosses agences, l'agence canadienne aussi, mais c'est vrai que sur le continent européen, il y a une forme de particularisme qui fait que le CNES a un rôle central dans les A, comment est-ce qu'on le comprend? Comment est-ce que vous le comprenez, vous, cela, Philippe Baptiste? Et comment le faire perdurer, hein, à l'heure où on est plutôt dans du regroupement et on discutera tout à l'heure de la concurrence avec le privé, bien sûr. Alors, c'est le poids de l'histoire et c'est à un moment donné un positionnement historique beaucoup lié, comme on l'a entendu dans le témoignage précédent, lié sans doute initialement beaucoup à des questions de dualité, bien civile et militaire, bien entendu. Mais au fur et à mesure, je pense que le pays et tous les dirigeants successifs ont vu toute l'importance du secteur spatial. C'est une importance qui a évolué, parce que le secteur spatial s'est profondément diversifié, donc beaucoup au début des questions qui étaient autour de la science, autour de la défense, bien entendu, puis après des questions autour de l'observation de la Terre, modélisation évidemment, des outils absolument fondamentaux, je suis sûr qu'on y reviendra, hein, pour l'observation de la... Enfin, que ce soit pour la météo, le climat, les suivis de la biodiversité, pollution, enfin vraiment un champ absolument incroyable. Et puis aujourd'hui, effectivement, rupture majeure depuis... Alors, pas depuis quelques mois, hein, depuis quelques années, bien entendu. Ils sont en train de se traduire concrètement... Majeure économique, ouais, c'est-à-dire que, quelque part, on est en train de voir que le secteur spatial est un enjeu de croissance absolument phénoménal. Moi, j'aime bien utiliser un chiffre, qui est le résultat d'une étude de Merrill Lynch qui dit que 2040, la richesse qui sera produite par le secteur spatial, c'est 3000 milliards de dollars. C'est-à-dire le PIB d'un très grand pays, comme l'Allemagne, quoi. C'est énorme. C'est absolument gigantesque. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel de croissance absolument incroyable. Et ce potentiel de croissance, évidemment, il a attiré plein de nouveaux acteurs, qui sont des acteurs privés, mais aussi les États qui réinvestissent le champ de manière extraordinairement offensive. Et c'est une chance pour le... Enfin, c'est une chance. D'abord, c'est une forme de... C'est une croissance, c'est des outils absolument incroyables. Et puis c'est une chance pour le secteur spatial parce que cette croissance elle va traîner aussi tous les autres morceaux du secteur spatial, c'est-à-dire que c'est pas seulement du business, c'est aussi derrière quand on réduit les coûts, qu'on va plus vite, etc. Bah ça veut dire qu'on va pouvoir faire plus d'expériences scientifiques, plus d'observations, On va parler avec vous, peut-être vous nous direz un mot, ou à moins que vous vouliez nous le dire maintenant, Philippe Baptiste, les 60 ans du CNES le 19 décembre, vous avez prévu des choses? Ah, il va y avoir, on va avoir toute une séquence de célébrations autour des 60 ans du CNES. Alors pas une célébration, enfin une célébration à la fois nostalgique et fondamentalement tournée vers l'avenir, évidemment. Et donc on aura l'occasion de se retrouver. Enfin, j'espère que France Culture aura l'occasion de bien sûr de nous retrouver. En tout cas, on vous accueillera avec beaucoup de plaisir pour célébrer toute cette année. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous passons donc l'heure en compagnie du nouveau président du CNES, Philippe Baptiste. On va parler un peu de votre parcours effectivement atypique pour le milieu spatial, mais il paraît que votre modèle, c'est Alan Turing. Ah, je ne sais pas si c'est mon modèle, alors je ne sais pas. Je suis un scientifique, c'est-à-dire que j'ai passé une très grande partie de ma carrière dans mon laboratoire. Je suis un scientifique à la frontière entre les mathématiques et l'informatique, l'algorithmique, l'optimisation combinatoire, les mathématiques appliquées. J'ai fait ça avec énormément de passion et d'enthousiasme, et tout ça c'est le monde du numérique évidemment. Enfin, c'est la version scientifique du monde du numérique. Et Alan Turing en est un pilier absolument incroyable. Alors on connaît dans le grand public beaucoup Alan Turing pour Enigma, le fait qu'il a beaucoup travaillé sur Enigma. Sur la machine à encoder allemande. Il y a un film à ce propos d'ailleurs. Bien sûr, et c'est évidemment, mais il a fait un nombre de choses absolument incroyables. Et dans le monde du scientifique de l'informatique, c'est quelqu'un qui a pensé le modèle de l'ordinateur. Avant même que l'ordinateur n'existe. Et ça, c'est juste, c'est-à-dire que il a réfléchi à un modèle de ce que pouvait être un ordinateur, qui est toujours valable aujourd'hui, et il a conçu ça avant même l'existence du premier ordinateur. Et ce modèle, pourquoi il est fondamental? Parce qu'en fait, une fois que vous avez un modèle, c'est comme dans toutes les autres champs scientifiques, une fois que vous avez un modèle, vous pouvez jouer avec. Et jouer avec, ça veut dire que vous pouvez le pousser à ses limites, c'est-à-dire comprendre ce que vous allez pouvoir faire avec un ordinateur ou ne pas pouvoir faire avec un ordinateur. Et contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, un ordinateur, aujourd'hui, il y a plein de choses que, en gros, on sait qu'on ne pourra pas les faire. Alors, quand je dis qu'on ne pourra pas les faire, ça veut dire qu'on ne pourra pas les faire, on ne pourra pas résoudre un certain nombre de problèmes ou de questions sur un ordinateur dans un temps raisonnable. C'est-à-dire humainement raisonnable. Voilà. Avec la technologie du silicium aujourd'hui, ça nous amène à l'ordinateur quantique. Ça nous amène à l'idée de l'ordinateur quantique, qui est quand même beaucoup une idée encore et pas encore une réalisation. On en a parlé quelques fois. On va vous mettre aussi le lien, non seulement vers l'émission que nous avions consacrée à Alan Turing, mais surtout une grande traversée signée à Maurice Chardot, qui était absolument passionnante. On va vous mettre ce lien sur notre fil Twitter. Un mot donc sur votre parcours rapidement, Philippe Baptiste. Vous êtes donc informaticien, on l'aura compris, ingénieur des mines. Vous entrez au CNRS en 99, professeur à l'école polytechnique. Et en 2013, votre carrière prend un tour un peu plus politique, puisque vous rejoignez le ministère de l'Éducation nationale en tant que chef du service de la stratégie et de l'innovation. C'est les deux grands pans de votre carrière, un pan universitaire, un pan scientifique et un pan politique. Et j'ai peut-être un troisième pied, si je peux me permettre, qui est un pied un peu industriel, puisque j'ai aussi passé du temps dans l'industrie, dans des start-up avant, quand j'étais plus petit, ou aux États-Unis. J'ai eu la chance d'avoir plein d'opportunités professionnelles dans ma carrière et je suis ravi avec des missions que j'ai essayé de mener à bien à chaque fois. Et effectivement, ça m'a donné l'occasion de voir des choses extraordinairement différentes, c'est-à-dire à la fois vraiment de la recherche très fondamentale, très amont quand j'étais chercheur, des choses beaucoup plus appliquées dans des startups ou quand je travaillais sur le digital dans un certain nombre de grandes entreprises. Et puis aussi, moi j'aime bien m'intéresser quand je travaille à un endroit, comprendre comment ça fonctionne, quels sont les leviers de transformation, qui décide de quoi et comment on fait. Et c'est comme ça que je me suis intéressé effectivement à l'administration au ministère de l'Enseignement supérieur. Puis après, j'ai été directeur de cabinet effectivement. De l'actuel ministre. Parce que j'étais aussi convaincu qu'il y avait un certain nombre de sujets, de grandes réformes, de grands projets sur lesquels je pensais pouvoir contribuer. Vous avez également été directeur général délégué à la science au CNRS. C'était sous la présidence d'Alain Fuchs en 2014. Un passage dans le privé, puisque vous avez été directeur scientifique du groupe Total également quelques mois avant de devenir directeur de cabinet de Frédéric Vidal. Et alors la question, c'est vrai que lorsque votre nomination a été annoncée le 14 avril dernier par le président de la République, devant d'autres concurrents comme le directeur spatial d'Airbus ou le PDG d'Ariane Espace, c'est ce choix qui est que effectivement vous avez ce CV qui est tout à fait respectable, mais qui n'a pas de parti véritablement spatial, contrairement à d'autres de vos concurrents. Donc, comment est-ce qu'on explique, comment vous comprenez votre nomination, et est-ce que cette absence d'expérience dans le spatial, c'est un avantage, c'est un atout, c'est un handicap? Alors, d'abord, je ne vais pas commenter sur mes concurrents qui sont des gens tout à fait évidemment éminemment respectables. Je crois qu'il y a un enjeu qui est absolument fondamental aujourd'hui dans le monde du spatial, c'est l'enjeu de la donnée. Et je pense que le choix qui a été fait, c'est aussi un choix qui est pensé avec cette idée. C'est le choix de la donnée, puis c'est le choix aussi de l'innovation et d'une culture de l'innovation qui est une culture de l'innovation qui est proche du numérique. Quand vous dites la donnée, c'est parce que on a de plus en plus de données massives, qu'il faut les traiter, qu'il faut finalement une partie, qu'il faut développer finalement la partie algorithmique et informatique pour gérer ce flot de données énorme que produisent aujourd'hui les nouveaux instruments spatiaux. Alors c'est exactement ça. C'est en fait réduction des coûts de tout ce qui est de tout ce que sont les infrastructures du spatial, c'est-à-dire à la fois les coûts. Enfin, vous envoyez un satellite et le lancement comme le satellite lui-même, les coûts baissent de manière absolument spectaculaire. Donc ça veut dire plus d'objets, plus de capteurs, plus de données. Et ces données, en fait, non seulement elles sont utiles pour les scientifiques, pour les gens qui font de l'observation, mais c'est des données, en fait, c'est ce qui va générer la croissance de demain. Quand tout à l'heure on parlait de sommes absolument astronomiques pour la croissance demain de nos différents pays, en fait, c'est beaucoup ces applications aval qui basées sur des données, c'est-à-dire des services qui vont être construits au-dessus des données qui viennent du spatial et qui vont demain construire une croissance. Et alors très concrètement, c'est quoi? Mais c'est des outils, des outils de suivi de containers. Vous avez des containers qui vont se promener. Vous allez avoir dedans des petits capteurs qui vont être capables de, enfin vous allez être capable de les positionner avec des satellites. À partir de là, derrière vous avez des services de tracking qui vont être créés. C'est un exemple. C'est un autre exemple. Ça pourrait être autour de l'agriculture. Déjà aujourd'hui, vous avez un certain nombre de services qui sont capables de vous dire, vous êtes agriculteur, je voudrais savoir à quel moment je vais mettre quel type d'engrais à quel endroit, pour évidemment minimiser pour la quantité d'engrais que vous allez mettre. Et grâce au spatial, grâce à l'observation, grâce à des algorithmes, vous allez être capable de trouver ces quantités optimales. Ce sont deux exemples parmi de très nombreux, mais il y a une convergence, en fait, on voit bien, entre la question du spatial et la question du numérique. Bien sûr. Et donc le numérique est c'est la croissance du spatial et réciproquement. Et bon, on dit souvent que le milieu spatial est un milieu particulier avec ses codes, avec ses lenteurs, avec ses lourdeurs parfois aussi, un milieu dont on dit qu'il est très conservateur, pas politiquement, mais parce que quand une technologie fonctionne, on la fait fonctionner jusqu'à l'épuisement en quelque sorte. Est-ce que vous avez le sentiment que votre nomination, c'est aussi la volonté de regarder ce milieu qui est en plein bouleversement d'un œil nouveau, d'un œil extérieur, quitte finalement à brusquer un peu ce traditionalisme que l'on peut retrouver dans le milieu spatial? D'abord, moi, je voudrais être un petit peu modeste, c'est-à-dire que on peut dire que je ne sais pas si on peut dire que le milieu spatial est un milieu traditionnel. Enfin, c'est un exploit quotidien absolument incroyable. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire alors maintenant, on met en place. Maintenant, effectivement, ce qui arrive aujourd'hui, c'est un peu la suite de la question de la donnée. C'est aussi le numérique arrive aussi avec des méthodes qui sont des méthodes un peu différentes des cycles de développement traditionnel. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans le monde du numérique aujourd'hui, des développements, on qualifie ça de développement d'agile, c'est-à-dire vous travaillez sur de nouveaux outils, non pas en faisant des spécifications, un développement, puis un point de rendez-vous à la fin avec votre, ce qu'on appelle des cycles en V, les grands projets d'ingénierie, mais des projets agiles où tout se passe en même temps, de manière rapide, etc. Tout n'est pas possible, on peut pas tout faire comme ça, bien entendu. Mais en même temps, et on voit bien, ça fait un peu partie du succès des méthodes de notre grand concurrent nord-américain, dont je suis sûr qu'on va parler aussi à un moment. On va en parler dans un instant. Ça fait aussi partie de ces méthodes. Et pendant longtemps, c'est vrai que tout le monde l'a regardé un peu avec quand même beaucoup de questionnements, parce que c'était pas quelqu'un qui venait du monde du spatial. Et en fait, il est venu avec des méthodes du numérique d'un côté, et puis avec des méthodes du monde de l'industrie low cost. Vous parlez d'Elon Musk, excusez-moi. Elon Musk. Pardon. Et en fait, en croisant ces deux choses-là, et en faisant aussi un certain nombre de paris technologiques. Audacieux. Il a trouvé une voie qui effectivement disrupte un petit peu un certain nombre de nos acteurs. En employant des méthodes qui sont des méthodes très différentes de celles qui étaient naguère utilisées par les agences spatiales nationales. Alors après, moi je veux un tout petit peu relativiser, c'est-à-dire que Il n'y a pas Elon Musk aujourd'hui s'il n'y avait pas la NASA avant. Bien sûr. Il faut être très clair. C'est-à-dire que c'est la NASA qui paye SpaceX et qui lui offre un certain nombre de contrats. Oui, en tout cas, qui a amené un certain nombre de technologies initialement, qui ont été aussi considérablement améliorées par SpaceX. Mais c'est aussi le Department of Defense et un certain nombre d'acteurs nord-américains qui payent un grand nombre de lancements très chers. Et ce qui permet aussi d'équilibrer directement le modèle économique de SpaceX, qui vend après des lancements privés à des prix qui sont des prix très bas. Mmh. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, c'est un modèle qui est très différent du modèle européen et qui vient d'une équation qui est fondamentalement différente. Il suffit de regarder les États-Unis aujourd'hui, c'est tout compris tous les ans 60 milliards d'euros qui sont investis sur le spatial, public, privé, défense. L'Europe, c'est plutôt autour de 12 ou 13. Et la France ? La France fait une grande partie de ces 12 ou 13. L'un des principaux contributeurs de l'ESA. De l'ESA. Mmh. On va parler avec vous maintenant, Philippe Baptiste, maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, de vos ambitions pour le CNES, dans ce paysage qui est, on l'a entendu, très bouleversé, avec un certain nombre de défis pour le CNES, et l'un d'entre eux s'appelle Ariane 6, on va en parler dans un instant. Delhomme, Cartomancie & Co, remixé par les Pénélopes à 16h, bientôt 30 minutes sur France Culture. Nous sommes tout au long de cette heure en compagnie du nouveau président du CNES, Philippe Baptiste. On va discuter avec vous maintenant de vos ambitions et de la place du CNES dans ce paysage largement chamboulé en profondeur du spatial. On en a parlé d'ailleurs beaucoup et souvent à ce micro, de ce qu'on appelle le New Space, avec l'irruption de nouveaux acteurs, d'ailleurs pas uniquement privés, ce sera peut-être intéressant de l'évoquer, de nouvelles méthodes, la diminution des coûts, l'avènement de la réutilisation, des agences nationales dont les méthodes traditionnelles de fabrication et de lancement sont profondément remises en cause. Et donc, bien dans ce contexte, Philippe Baptiste, un premier enjeu de taille, celui du lancement d'Ariane 6, premier vol prévu l'an prochain à peu près, mi-2022. 2022. Voilà. 2022, pas mi. On sait plus. Non, je, 2022, d'accord. Ariane 6, dont les esprits chagrins disent que c'est un lanceur obsolète avant même d'avoir volé. Obsolète, certainement pas. Obsolète, certainement pas. C'est un marché, c'est un lanceur qui a été conçu pour répondre à un certain nombre de besoins du marché et il va y répondre. En particulier, il est parfaitement adapté à des grands défis du marché, que sont en particulier l'envoi de constellations en orbite basse. Donc obsolète, certainement pas. La vraie question pour Ariane 6, pour pour parler simplement, c'est que Ariane 6 a été conçu dans un environnement qui était infiniment moins compétitif que l'environnement d'aujourd'hui. Et il faut avoir en tête les ordres de grandeur. Concevoir un lanceur, c'est au moins 10 ans. Et quand je dis ça, c'est vrai aussi pour c'est vrai aussi pour le Falcon, c'est vrai aussi pour tous les autres Falcon, acteurs. Falcon, lanceur de SpaceX. Exactement. Donc, ne faut surtout pas croire que c'est des choses qu'on peut faire très rapidement. Donc la vraie question, c'est comment est-ce que Ariane 6, à un moment donné, arrive à se placer commercialement dans un marché qui est très compétitif. Alors on va parler du placement commercial, mais sur la nature même d'Ariane 6, il y a eu un peu une sorte de correction en cours de route, parce que évidemment il y a SpaceX qui est arrivé, il y a non seulement les coûts qui ont diminué, parce que comme vous le disiez vous-même tout à l'heure, les coûts du lancement par un Falcon 9 sont très très très très bas, certainement à un tarif qu'Ariane 6 ne pourra jamais concurrencer dans l'état actuel des choses. Mais Ariane 6, finalement, c'est quand même un lanceur un peu plus lourd, mais un peu moins cher. Expliquez-nous un peu exactement quelle est l'équation d'Ariane 6, en fait, l'équation technique dans un premier temps. Qu'est-ce que ça va lancer? Quelle charge utile et à quel tarif? Donc Ariane 6 est un lanceur qui va coûter beaucoup moins cher qu'Ariane 5. Ça, c'était quand même un premier défi qui était quand même extrêmement important. Quel ordre de grandeur? Presque deux fois moins cher. Presque deux fois moins cher. C'est-à-dire? À la louche. Ça, après, il faut regarder pour la question des tarifs, etc. Il faut discuter avec Ariane Espace. D'accord. Qui commercialise le lanceur. La vraie question aujourd'hui, c'est effectivement, est-ce que Ariane 6 va trouver son marché? Moi, je suis résolument confiant parce que d'abord, il y a des marges de progression. On est encore au tout début. Et puis, le vrai enjeu, de toute façon, aujourd'hui pour Ariane 6, c'est de réussir, pour Ariane Group, mais aussi pour tous les acteurs européens qui sont directement contributeurs, c'est évidemment que Ariane 6 réussisse son premier vol 2022, et ça c'est un enjeu qui est absolument clé, et nous on y travaille évidemment main dans la main avec Ariane Group, puisque le CNES a une expertise technique qui est une position assez originale effectivement parmi les autres acteurs européens, une forte expertise technique puisque on a toute l'histoire des précédents lanceurs, donc on travaille main dans la main avec Ariane Group évidemment pour que ce premier vol se passe bien, et puis bien entendu on prépare aussi la base de Kourou, il y a des développements qui sont évidemment très importants amené à Kourou pour accueillir le nouveau lanceur. Voilà, alors on va parler de la base de Kourou parce que c'est un autre enjeu très très intéressant dans quelques minutes, mais restons un peu sur Ariane. L'une des grandes qualités, l'une des grandes forces d'Ariane, c'est sa fiabilité. Je veux dire, c'est incontestablement sa fiabilité. Aujourd'hui, est-ce que Ariane 6 a la garantie de maintenir cette exigence de stabilité? Une fois de plus, la cible est intéressante parce que, comme on le disait, est-ce que ça doit être une cible principalement institutionnelle, une cible également commerciale? Commerciale, encore une fois, comment concurrencer le privé qui peut permettre des lancements commerciaux à un tarif qui sera certainement moindre que celui d'Ariane 6? Quelle est la place d'Ariane 6 finalement dans ce marché-là? Donc Ariane 6, c'est à la fois c'est le lanceur lourd européen, c'est évidemment, vous l'avez mentionné, c'est une question... La charge utile, vous l'avez en tête? Ça dépend fondamentalement de l'orbite à laquelle vous lancez. Mm-hmm. Donc il n'y a pas une réponse à cette question. Mais ce qui est fondamental pour Ariane 6, c'est, par rapport à Ariane 5, on n'est pas allé au bout de la question tout à l'heure, c'est le fait que vous avez un dernier étage qui est réallumable. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, vous êtes capable de placer plusieurs charges à différents endroits. Et donc ça, fondamentalement, ça répond à une exigence du marché qui est extrêmement forte. C'est-à-dire effectivement mettre en orbite à différentes orbites et de pouvoir repartir une fois qu'on a lâché un premier payload, voilà. Etc. Exactement. La vraie question, c'est la question du coup, mais je pense que d'abord il faut aller au bout du premier lancement, il faut aller après optimiser effectivement, et ça il y a un énorme travail qui est mené aujourd'hui par une groupe pour optimiser ses coûts, pour être efficient, et moi je suis assez optimiste sur la place que trouvera Ariane 6. La première place qu'elle va trouver, évidemment, c'est une place institutionnelle. Il y a un certain nombre de satellites européens qu'on veut lancer sur un lanceur européen. C'est l'accès à l'espace pour l'Europe, c'est la garantie avec ça qu'on est indépendant. Bon. Et évidemment, cette garantie-là est absolument fondamentale. Et puis moi, je suis convaincu qu'elle trouvera sa place aussi pour un certain nombre de missions commerciales. Et je pense que c'est absolument fondamental pour notre modèle économique d'avoir un lanceur qui soit aussi un lanceur commercial. De donner accès à l'espace à d'autres acteurs spatiaux, des plus petits États dont on voit que plus petits, pas forcément en taille par ailleurs, mais plus petits dans le secteur spatial, dont on voit que il y a quelques États aujourd'hui qui commencent à toquer à la porte et qui ont accès au général à l'espace plutôt via le privé parce que ça coûte moins cher et que Elon Musk aura ouvert grand leur porte. Oui, alors c'est la question si on parle d'État européen. Pas d'État européen seulement, dans le monde entier. Donc, d'abord, je pense que dans le monde entier, il y a un marché qui est un marché commercial, et donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, effectivement, il y a des offres, il y a des propositions, et j'ai envie de dire que le meilleur gagne. On peut constater aujourd'hui que Ariane 5 remporte régulièrement des marchés et a des succès. Donc, je pense qu'il faut rester aussi résolument optimiste. Bien entendu, on est challengé par un monde de lancement à coût très bas, mais je suis vraiment persuadé qu'on peut réagir. Après, la question c'est est-ce qu'il faut aujourd'hui se retrouver. Enfin, on a des lancements aujourd'hui institutionnels européens qui passent pas forcément par Ariane, ça peut poser question. Donc effectivement. Par exemple. On a eu dans l'histoire des lancements qui sont passés par des acteurs tiers. Mmh. Bon, y compris des lancements institutionnels. Bon, ça c'est pas faux. Voilà, ouais, ça peut effectivement poser questions. Et puis moi je crois vraiment qu'on a tous intérêt en Europe à soutenir un lanceur lourd européen. Bien sûr. C'est absolument indispensable. On entend bien sur le plan géopolitique. Qu'en est-il, Philippe Baptiste, de la question du réutilisable, puisque aujourd'hui tout le monde ne jure plus que par ça. On se dit que si l'espace doit être rentable, eh bien c'est faut arrêter de jeter l'avion à chaque fois qu'on veut faire un trajet. Est-ce que aujourd'hui le CNES se lance là-dedans? Le moteur Prometheus promettait, sans mauvais jeu de mots, de pouvoir être réemployé, ou on en est? Alors, quand même, réutilisable, oui, bien sûr, ça peut être c'est d'autant plus utile si vous tirez beaucoup. Et donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est absolument clé? Et pourquoi, quelque part, le modèle d'Elon Musk marche? C'est parce qu'en fait, il tire beaucoup parce qu'il lance sa constellation. Mmh. Et comme il lance sa constellation, il tire en permanence et il a besoin de réutiliser. Donc, il a un modèle qui est complètement intégré. Si demain les ambitions européennes sont de lancer relativement peu de satellites, la question du réutilisable n'est pas forcément absolument centrale. D'accord. Moi je crois profondément que évidemment on va lancer mécaniquement beaucoup de satellites parce que on va nous aussi avoir une constellation, on en parlera peut-être, et puis il y a plein de projets qui arrivent. Mmh. Et donc je crois qu'à un moment ou un autre, la question de la constellation doit être, enfin la question pardon du réutilisable, en tout cas c'est une technologie qu'il faut que l'Europe maîtrise. C'est absolument indispensable. On n'y est pas du tout. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. On a un moteur qui est Prometheus que vous avez mentionné, qui est un moteur qui est premièrement un moteur bas coût et deuxièmement un moteur qui est réutilisable et troisièmement un moteur qui un jour pourrait très bien être utilisé non seulement au premier étage mais aussi dans le deuxième étage d'un lanceur. S'il est réutilisable, on le récupère comment ce moteur pour le moment? Alors c'est bien qu'il soit réutilisable, mais encore faut-il le récupérer? Bien sûr. Alors après, il faut faire tout le reste, il faut faire le lanceur lui-même. Mais le moteur quand même, enfin la technologie, quand vous avez un moteur, vous avez quand même une très très grosse partie du lanceur. C'est-à-dire que technologiquement, c'est sans doute la partie la plus complexe et la plus délicate. Mmh. Donc le succès de Prometheus, c'est probablement le succès de la suite. Mmh. Donc moi je crois profondément et je pense qu'on ira sans doute vers ça à un moment ou un autre. Il faut qu'on soit en mesure de maîtriser cette technologie. Mmh. Donc peut-être engager le CNES justement dans la voie du réutilisable pour se mettre au niveau de la compétition internationale. Ça pourrait être l'un des points forts de votre mandat. C'est un des enjeux, mais c'est le CNES, mais c'est moi je crois aussi profondément qu'il faut qu'on associe nos partenaires, et donc c'est le CNES, et c'est à travers le CNES, c'est l'ESA, et c'est aussi nos grands partenaires aujourd'hui. L'Europe a intérêt profondément à rester unie sur le monde du spatial. Mm-hmm. Évidemment, on voit bien qu'il y a une concurrence intra-européenne qui est en train de se créer, et moi je pense qu'il faut aussi raison garder, oui. et bien réfléchir au fait que nos grands concurrents ne sont pas forcément nos voisins, mais peut-être plus d'autres grandes puissances qui sont plus éloignées. Alors justement, on va parler de Kourou, hein, mais puisque vous l'abordez, Philippe Baptiste, qu'est-ce qui se passe avec l'Europe? Parce qu'on a l'ESA, on a ce consortium d'agences spatiales porté certes par la France, mais on voit que l'Allemagne aujourd'hui commence à viser l'idée d'un micro-lanceur, que l'Italie a ses propres ambitions. Qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est le moment de se tirer dans les pattes? Alors, je ne sais pas si c'est se tirer dans les pattes, mais en tout cas, effectivement, l'Allemagne a des ambitions en matière de lanceurs. On voit aujourd'hui plusieurs projets de start-up, ou d'entreprises plus ou moins liées à l'agence allemande se créer aujourd'hui pour faire des micro-lanceurs. Mmh. Des micro-lanceurs ou des mini-lanceurs. On a évidemment Vega depuis longtemps, qui est un gros mini-lanceur, un très gros mini-lanceur, enfin qui est d'une catégorie qui évidemment en dessous d'Ariane. Voilà, en dessous d'Ariane, mais qui est quand même très très gros. Et effectivement, demain l'avènement de micro-lanceurs allemands pourrait perturber le marché, pourrait éventuellement empiéter sur le marché de Vega. Donc ça peut poser un certain nombre de questions qui sont des questions effectivement d'équilibre politique européen sur la politique spatiale. Moi, je crois vraiment au fait que il faut qu'on réfléchisse à l'avenir et qu'on ne peut pas réfléchir à l'avenir pays par pays indépendamment, et que cette réflexion, elle doit avoir lieu dans un cadre qui est un cadre où clairement il faut qu'il y ait des enjeux de compétitivité qui soient beaucoup plus pris en compte qu'on a pu le faire par le passé, parce que le monde a changé et je pense que tout le monde est d'accord avec ça aujourd'hui, mais c'est un cadre qui doit être un cadre européen. Ce serait une folie d'arriver dans un monde demain où chaque pays européen aurait, enfin où chaque grand pays spatial européen aurait son lanceur, voire même sa gamme de lanceurs. Ça n'a pas de sens, il n'y a pas de marché. Donc bien entendu, nous sommes sur ce sujet-là, comme sur d'autres, condamnés à bien nous entendre et à bien nous entendre pour réussir ensemble. Et ça a déjà été le cas plusieurs fois dans les années précédentes. Un mot donc sur cette base de Kourou que beaucoup de monde nous envie, qui est un atout pour le coup français. Franco-français, hein, c'est une base chez nous. Est-ce qu'il faut mieux la valoriser? Est-ce qu'il faut l'ouvrir justement, puisque vous pouvez nous redire d'ailleurs, nous réexpliquer pourquoi elle est si importante, cette base de Kourou, elle est idéalement placée. Bon, vous allez nous raconter ça. Est-ce qu'il faut l'ouvrir au privé, par exemple? Alors, juste quand même pour dire que l'ESA contribue beaucoup au bon fonctionnement de Kourou aujourd'hui. Kourou, c'est fabuleux parce que c'est sur c'est très très proche de l'équateur, donc c'est idéalement placé pour faire des lancements. La base de lancement la plus proche de l'équateur. Oui, c'est dans le monde aujourd'hui, c'est sans doute l'endroit idéal. Et puis au-delà de ça, il y a aussi il y a non seulement cet aspect-là qui est évidemment très important pour la plupart des orbites, mais au-delà de ça, il y a aussi les compétences qui ont été accumulées sur place, et puis les infrastructures qui ont été construites. Enfin, c'est un endroit qui est absolument unique au monde. Mm-hmm. Et puis derrière, il y a toute la Guyane, il y a les Guyanais qui sont en support derrière aussi cette base. C'est vraiment un enjeu absolument, c'est même pas un enjeu, c'est un atout absolument majeur aujourd'hui pour la France et pour l'Europe. Donc maintenant, est-ce que demain il faut ouvrir Kourou à d'autres lanceurs? Bien sûr, il faut louer et puis profiter de cet espace, parce que c'est un atout. Vous savez que de Kourou on tire Soyouz. Bien sûr. Alors, dans un cadre qui est un cadre à travers Ariane Espace, etc. Mais enfin, ça montre bien en fait la plasticité et le fait qu'on a déjà su faire plein d'évolutions et plein de changements. Et mais moi, bon, l'avenir de Soyouz vous permettrait qu'entre Orion aujourd'hui et Starship. Non mais d'accord, on tire Soyouz, qui est quand même un lanceur absolument incroyable. Enfin, quand on regarde l'histoire de Soyouz, ça mériterait une émission. On en a fait. Bon. Figurez-vous, on en a fait une sur le programme spatial russe et on va faire d'ailleurs la deuxième partie dans quelques jours. Mais donc demain, est-ce qu'il faut ouvrir la base à des acteurs privés? Moi, je suis tout à fait ouvert à cette possibilité. Mmh. Il faut regarder dans quelle équation économique. Mais pourquoi pas. Alors, autre chose, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, Philippe Baptiste, on parle beaucoup en ce moment de la space tech. Vous l'avez évoqué vous-même à quelques reprises, c'est-à-dire accompagner des startups et des PME en pleine expansion. Est-ce que aujourd'hui votre mandat va dans le sens de ce développement-là? Est-ce qu'il faut faire émerger à travers ces startups, des acteurs privés français au même titre que un Elon Musk américain, par exemple, quelque chose comme ça? Est-ce que c'est le rôle du CNES? Totalement. Je crois profondément que ça fait partie. Alors c'est loin d'être évidemment la seule mission du CNES. Bien sûr, bien entendu. Mais c'est une dimension sur laquelle je pense qu'il faut qu'on se renforce. Et alors je ne sais pas si c'est un Elon Musk. Je ne sais pas si c'est pas des gens qui vont travailler aussi beaucoup sur l'aval, c'est-à-dire sur les données du spatial, comme je le mentionnais tout à l'heure. C'est pas le CNES qui doit faire ça tout seul dans son coin. C'est bien entendu en travaillant étroitement avec d'autres grands acteurs du numérique, qu'ils soient des acteurs institutionnels. Je pense. L'INRIA, le CEA, mais aussi des acteurs qui sont des acteurs évidemment privés. Parce que il y a une effervescence autour de ça, il y a une croissance. Je crois aussi que c'est une opportunité pour je vais être un petit peu immodeste, mais c'est une opportunité pour la France et l'Europe de rattraper une certaine forme de retard sur le numérique. Les cartes sont en train d'être chamboulées à travers le spatial, qui va vraiment bouleverser un certain nombre d'usages et de modes de fonctionnement de l'écosystème numérique et télécom. Et comme on bouleverse les cartes, ça veut dire qu'on a aussi une chance de prendre une place qui serait à la hauteur de ce qu'est l'Europe aujourd'hui dans le monde du numérique. En faisant émerger ce type d'acteurs géants de poids super lourd dont on entend et dont on dit aussi, hein, pareil, on avait consacré une émission à cette question de dire bah, finalement, on a la chance entre guillemets de ne pas avoir de Jeff Bezos ou d'Elon Musk en Europe parce que eh bien, l'Europe, la Commission européenne permet d'éviter ce type de conglomérat de monopolistique qui finit par devenir des géants, qui finissent par devenir des mastodontes et face auxquels finalement ensuite les États perdent tout pouvoir. Oui, certes, mais enfin, on n'a pas de GAFA du tout en Europe, je ne suis pas certain que ce soit qu'une force. C'est un point de vue, par ailleurs. Qu'est-ce que je veux dire sur cette question-là, on a aussi, et le CNES, et on l'entendait tout à l'heure dans l'archive, le CNES, c'est une particularité française, enfin une sorte d'exception française, si on peut l'entendre comme ça, publique, c'est une agence publique. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut que l'État renonce une partie ou transfère une partie de ses ambitions spatiales au privé? Est-ce qu'il faut dire que les agences nationales publiques ne peuvent plus tout et qu'elles ont besoin de déléguer, de transférer, de passer non seulement une partie des compétences, mais aussi une partie de leurs fonds sur des acteurs privés? Je pense que le problème se pose pas comme ça. Je pense que on a effectivement l'émergence d'acteurs privés qui sont souvent, en particulier sur les questions les plus, sur les lanceurs ou sur quand il y a du hardware, c'est-à-dire quand il y a des gros objets technologiques qui sont aidés par les agences. Ça c'est vrai. Je constate, si on prend l'exemple de la NASA, aujourd'hui, la NASA continue à avoir des budgets absolument considérables et continue à avoir aussi des programmes de lanceurs avec d'autres acteurs et pas seulement avec SpaceX. Donc je pense que la question est sans doute plus complexe que celle-là, que par contre, on contribue à faire émerger de nouveaux acteurs. Ça, j'en suis convaincu parce que ce sont des acteurs économiques. Mais après, il y a quand même plein d'autres champs du spatial qui sont pas des champs directement avec où vous n'avez pas directement un business plan quand vous avez un projet. Mm-hmm. Quand vous faites de l'observation, quand vous allez regarder le fond cosmique ou quand vous faites de l'observation de la Terre pour ramener de nouvelles données pour le climat, il y a pas de voilà. Et ça, profondément, c'est aussi le rôle des agences. C'est aussi le rôle des agences. Mm-hmm. Mais vous savez, en fait, des acteurs, ce transfert en fait public-privé, ça veut simplement dire qu'en fait les acteurs qui sont en face des agences, ils mûrissent. Et quand ils mûrissent, c'est normal qu'on leur passe la balle. Ça a toujours été dans l'histoire du CNES, ça a toujours été comme ça que ça a fonctionné. Je sais pas si on reprend l'exemple des télécoms, au fur et à mesure, les technologies étaient plus matures, les acteurs industriels ont pris le relais, ils ont fait de la R&D, ils ont des roadmaps, et il y a plein de sujets sur lesquels on n'a rien à leur apporter aujourd'hui. Et c'est juste, ça veut juste dire qu'en fait, il y a une industrie qui est mature en face et qui est efficace. Et puis il y a plein d'autres sujets où effectivement, bah là, il y a tout à découvrir et tout à faire, et où on a tout notre rôle. Notre rôle doit être justement d'investir sur des questions ou des enjeux qui sont suffisamment amont pour que les autres, nos partenaires privés, ne puissent pas le faire. Mmh. On doit prendre des risques, c'est-à-dire qu'on doit être en phase de prise de risque. Mmh. Un mot également, parce qu'on l'a évoqué, j'aimerais qu'on en dise un mot avant d'entendre le reportage du jour, sur la question de cette constellation européenne de satellites de télécommunication. On a là aussi beaucoup parlé, ces constellations, elles sont assez peu populaires dans le milieu scientifique, parce que bien les astronomes vous diront qu'elles bouchent la vue, elles empêchent l'accès à l'espace, on est à quelques centaines pour le moment de la constellation Starlink d'Elon Musk, on devrait arriver à plusieurs dizaines de milliers. Est-ce que c'est le rôle du CNES de soutenir une constellation européenne, de rajouter à cette pollution, à brouiller bien l'accès au ciel? C'est quand même un peu compliqué ou un peu paradoxal? Alors juste déjà peut-être pour poser les termes du débat, une constellation c'est quoi? C'est un ensemble de satellites, petits, moyens ou gros, qui travaillent ensemble. C'est-à-dire qui sont sur des orbites qui sont en général les mêmes et qui se coordonnent et qui sont capables soit de faire des observations coordonnées, soit d'envoyer, enfin de faire de la télécom coordonnée. Donc ça, ça fait longtemps que ce concept-là existe, ce qui est la grande nouveauté. Le GPS, Galileo, pour exactement, citer l'Europe, des constellations, etc. Voilà. Mais c'est avec peu de satellites. Voilà. Là, on parle d'autre chose, d'un autre niveau. Pourquoi ? Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand vous faites des télécoms dans le monde d'avant, enfin le monde traditionnel, qui est toujours hyper important et qui va continuer à rester important, c'est vous avez des satellites en orbite géostationnaire. C'est-à-dire assez haute. Exactement, parce qu'en fait, quand vous dites géostationnaire, ça veut dire qu'en fait, vous avez qu'une seule orbite possible et elle est très haute, qui couvre, en fait, comme ils sont très hauts, eh bien, ils couvrent, en fait, tout un champ qui est relativement important, typiquement plusieurs pays en Europe ou même un continent, ils vont arroser avec de la donnée à partir de là. Le problème de ça, c'est comme vous êtes très loin de la Terre, vous avez des délais qui sont importants pour communiquer entre l'aller-retour de évidemment en passant par le satellite, de la latence. Vous avez une latence. Mmh. C'est ce qu'on appelle une latence, c'est-à-dire un temps. Voilà. Et ça pose quand même ce problème de latence pose plein de problèmes. Quand vous téléphonez et que vous avez une latence, vous voyez bien que c'est pas agréable et c'est suffisamment important pour que ce soit pas que ce soit pas agréable. Et puis vous avez de plus en plus d'applications qui sont aujourd'hui généré par les nouveaux usages industriels ou privés, où vous avez besoin communication temps réel. Donc temps réel, ça veut dire avec des durées de latence très très basses. Mm-hmm. Donc pour résoudre ce dilemme et ce problème-là, on s'est dit, en fait, on n'a qu'à rapprocher les satellites près du sol. Mais quand on les rapproche près du sol... Il faut en rajouter. Ben oui, parce qu'ils bougent. Donc en fait, vous avez besoin d'avoir... ils sont obligés de bouger très vite, donc ça veut dire que vous avez besoin d'avoir des flottes de satellites qui couvrent l'ensemble de la planète et qui sont capables d'amener ce service. Et d'où le problème que vous avez mentionné, effectivement, ça peut gêner un certain nombre d'observations, etc. Alors... Ça veut dire qu'il va y avoir une constellation européenne, Phil Baptiste ? Il faut la souhaiter ? Je pense profondément qu'il faut la souhaiter. Alors, pas pour les astronomes, effectivement, et pas pour les astronomes amateurs, je l'entends. Pas seulement amateurs, non, hein, pour même tous les télescopes qui sont sur le sol. Je l'entends terrestre. Je l'entends parfaitement. Par contre, en termes d'industrie et en termes de business, c'est un enjeu juste absolument majeur pour la suite. On aura, j'espère, l'occasion d'en reparler parce que le temps tourne et il faut parler également des collaborations du CNES. Et notamment, on l'a beaucoup dit ici, le CNES est engagé dans la mission InSight de la NASA dont l'objectif est d'étudier l'intérieur de la planète Mars via l'instrument CEIS. Et c'est pour cela que vous vous êtes rendu à l'Institut de Minéralogie, de Physique, des Matériaux et de Cosmochimie de Sorbonne Université. Céline Nozen, bonjour. Bonjour Nicolas. Oui, alors pour rappel, InSight est une mission dédiée à l'étude de l'activité thermique et sismique de Mars. Grâce à son sismomètre CEIS, qui est un instrument français, on est capable de mesurer les différentes ondes mécaniques issues des séismes martiens. Le CNES supervise cet instrument avec l'IPGP depuis le sol, mais pour le traitement des données récoltées, ce sont d'autres équipes qui sont en jeu. Celle de Daniele Antonangeli analyse ces informations de terrain et parallèlement reproduit dans son laboratoire les conditions thermiques et mécaniques de l'activité martienne dans le but d'aboutir à un modèle précis de la structure interne de la planète. Alors là, on va voir une première partie d'activité expérimentale, celle qui vise à reproduire en laboratoire les conditions de haute pression et haute température qui existent à l'intérieur des planètes, notamment à l'intérieur de Mars. Là, on veut regarder vraiment qu'est-ce qui se passe pas à la surface, comme d'autres missions. InSight, une des spécificités de la mission InSight, c'est regarder l'intérieur de la planète et la planète dans sa globalité. Si je peux prendre un exemple d'un œuf, on ne se limite pas à la coquille, mais on veut regarder l'épaisseur de la coquille, l'épaisseur du blanc et l'épaisseur du jaune. On veut vraiment comprendre la structure interne. La structure interne, les rapports en volume et en masse entre ces différentes couches et leur composition chimique. Donc, pour aider cette réponse, il faudrait tout d'abord recréer les conditions de l'intérieur et notamment l'eau de pression et l'eau de température qui existe à l'intérieur des planètes. Donc là, sur Mars, on peut arriver jusqu'au noyau à 40 gigapascales, qui est 400 000 fois la pression atmosphérique. C'est moins extrême que sur Terre, mais quand même, ce sont des conditions loin d'être l'habitude de la réalité de la vie de tous les jours. Alors, expliquez-moi un peu comment ça se passe. Alors, si je cherche là un exemple de notre outil de préférence, qui est la cellule en clou de diamant. Alors là, l'idée, c'est d'utiliser deux diamants un contre l'autre Exercer la pression. Exercer la pression sur l'échantillon. Et le diamant, c'est vraiment le meilleur matériau? Alors, déjà, il est le matériau naturel plus dur que nous connaissons, donc il peut bien supporter des forces très très importantes. En plus, il a le bon goût d'être transparent, donc on peut regarder à travers. Il est transparent aussi à les rayons X, donc on peut utiliser différentes techniques sur la base des rayons X. Il est transparent à la lumière, donc on peut utiliser des lasers dans les visibles et aussi dans l'infrarouge, donc des lasers infrarouges pour créer les hautes températures, que c'est l'autre élément au-delà de haute pression qu'on doit tenir compte. Donc une manière plus efficace de générer l'eau température tout juste sur l'échantillon et pas dans son environnement, c'est d'utiliser des lasers infrarouges qui sont focalisés sur l'échantillon. La lumière des lasers est absorbée par l'échantillon qui s'y réchauffe. Avant, ici en face de nous, c'est tout d'abord la cellule en crème de diamant. Là, c'était un des deux diamants, l'autre sont opposés. Donc les deux diamants sont mis tête-bêche un contre l'autre. Donc, cet dispositif qui se tient dans les peaux des mamans, donc ça pèse quelques centaines de grammes, est capable de générer une pression de plusieurs milliers de fois, voire millions de fois la pression atmosphérique. Et ça, grâce au fait d'avoir des diamants avec une surface sur laquelle on appuie la force autour de 4 mm de diamètre. Et de l'autre côté, là où il y a l'échantillon, avec une surface, avec un diamètre circulaire de l'ordre d'une centaine de microns. Donc, maintenant, comment on simule les ondes mécaniques? Pour la partie génération des ondes acoustiques, on aura besoin de complifier l'appareil expérimental. On va rajouter un autre laser qui n'aura pas les rôles comme celui-là ici d'échauffer. Donc, ce ne sera pas une onde de laser qui s'est envoyé de manière continue sur l'échantillon, qui l'absorbe et se réchauffe, mais sera une laser de haute intensité pulsée. Donc on va utiliser, juste l'envoyer un petit pulse d'énergie qui est absorbé par l'échantillon. L'échantillon va, sur un temps de très court, on parle de centaines de femtosecondes. Moins 15 secondes. Voilà. Donc dans ce temps très très court, on va augmenter par rapport à sa température d'équilibre un peu la température, pas beaucoup, dans une dizaine de degrés, c'est suffisant pour générer, pour expansion thermique, la propagation d'une onde acoustique. Les pulses laser, ça rajoute à les lasers continuum, donc son temps très court, l'échantillon se réchauffe un peu plus, expande, et après, cette expansion fait partir une onde acoustique. Donc, on utilise les lasers pour donner, un laser impulsé, pour donner un petit coup à notre échantillon. Donc lui, après, il se relaxe, donc l'onde acoustique se propage. On a généré le signal d'un côté de notre échantillon, donc on tire les lasers d'un côté, et avec une autre laser, on regarde quand l'onde acoustique arrive de l'autre côté. En sachant combien de temps prend ce passage-là, on sait à quelle vitesse du son, sachant l'épaisseur de l'échantillon, s'est propagé l'onde acoustique. Et donc, notamment, on arrive à recréer en laboratoire l'équivalent d'un tremblement des terres ou, dans les cas de la mission InSight, d'un tremblement de Mars. On arrive à reproduire du tremblement de Mars et ces ondes-là, elles vont à quelle vitesse? Combien de mètres par seconde? Alors, là, ça dépend des matériaux, mais on part dès l'ordre des 3-4 km par seconde pour la partie manteau. La partie noyau, les métaux sont des vitesses du son différentes. Mais pour l'instant, la plupart d'observations de Mars, pour l'instant, on commence à regarder la propagation des ondes dans les couches plus supérieures des planètes, et fois à mesure qu'on améliore notre connaissance, on va rentrer progressivement dans l'intérieur des planètes. Et finalement, avec tout ce que vous avez pu produire comme information, est-ce que vous pouvez établir un modèle sur la structure, même parcellaire de Mars, et puis mieux comprendre son activité interne au niveau des flux thermiques et mécaniques. Alors, c'est ça, c'est un travail progressif. Dans l'exemple que j'ai fait tout à l'heure de l'œuf, on est en train de déterminer l'épaisseur de ces différentes couches. Ce sont des résultats qui vont sortir bientôt. Voilà, j'ai mal géré mon temps, j'aurais bien aimé entendre votre réaction, Philippe Baptiste, à ce reportage, mais on n'a plus le temps, il est déjà 58, merci beaucoup. C'est juste fabuleux. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous tout au long de cette heure pour parler de vos ambitions spatiales pour le CNES. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Éléonore Pérez, Natacha Trio, Alexandre Morales, Céline Lozène, Eve Etienne, Noémie Néguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Ludovic Auger à la technique. Demain, c'est notre vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. recherche. Il sera question, dans le désordre, des problèmes des microplastiques une fois de plus, d'une cartographie extrêmement précise de la distribution de la matière noire. Et nous parlerons également des expériences de mort imminente et de la conscience à l'approche de la mort. Tout ça, ce sera à 16h, jusqu'à preuve du contraire.